Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à vous tous et bienvenue à ce journal, la dernière édition de ce 25 avril 2018. Voici les grands titres. Certaines tombes du cimetière d'Omanda ont été démolies par des inondations consécutives aux pluies tombées la semaine dernière sur la province de Bubanza. Reportage à suivre dès le début de ce journal. Le président du Parlement panafricain était en visite au Burundi et selon le président de l'Assemblée nationale, ce visiteur était en quête d'un deuxième mandat. Et le soutien du Burundi à la candidature de Roger Nkodo-Dang sera étudié, a promis Pascal Nyabenda. Vous en saurez également davantage sur certaines missions de ce Parlement. Et les magistrats et les juges des tribunaux de grande instance de cinq provinces du Burundi ont 5 mois pour mettre en exécution les jugements rendus, surtout en matière de litiges fonciers. Et le Burundi occupe la 159e place sur le classement des 180 pays de Reporters sans frontières en matière de respect de la liberté de la presse. RSF a publié son rapport 2017 ce mercredi. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Deux zones du cimetière d'Omanda ont été inondées suite aux pluies qui se sont abattues sur Bubanza la semaine dernière et visiblement certaines des tombes ont été démolies. Alors que l'administration locale projette en collaboration avec les services de santé pulvériser ces endroits, ceux qui y ont enterré les leurs demandent des facilités pour y aller et se rendre compte de la situation des tombes des leurs pour une probable reconstruction. Les détails dans ce reportage de Placide Niumungele qui était à Manda cet avant-midi. La première zone qui a été touchée par ces inondations se localise à droite de l'axe RN5, Bujumbura-Chibitoke, un endroit très exposé à la vue de tout passant. Dans cette partie, malgré l'état vétuste de ces monuments, presque la majorité a été détruite par cette eau, alors qu'une autre zone se trouve à l'intérieur de ce cimetière de Manda, côté gauche de l'axe RN5. Selon l'administrateur de Gihanga, Léopold Ndaïsaba, les causes de cette inondation sont les travaux en cours sur la RN5. La cause, ce n'est autre que les travaux qui sont en train d'être exécutés au niveau de cette route RN5. Alors, il y avait des buses tout au long de cette route. Les anciennes buses étaient bouchées. Alors, il n'y a pas eu moyen à ces zones d'écoulement de pouvoir couler vers l'aval. Il y a des actions qui ont été menées. En premier lieu, pour sauver ce village, était le traçage d'un canal pour évacuer les zones qui stagnaient au niveau de ce cimetière. Malgré cela, la zone qui est à l'intérieur de ce cimetière, gravement touchée selon les sources, l'accès est interdit. Ce qui plonge les familles qui ont enterré les leurs dans le choc, celui-ci, on lui a été barré la route. Lorsque je suis arrivé sur place, alors j'ai été poursuivi par des gens qui étaient en tenue civile. Ils m'ont interrogé plusieurs heures et ils m'ont demandé pourquoi je suis venu ici et ils m'ont donné si je suis un ennemi de la nation. Alors, j'ai été séquestré. J'ai du rage dans le cœur. Je demanderai que ce soit l'administration locale qui aide dans ce sens. C'est bien d'y mettre des gens pour qui sylvent, mais il ne faut pas mettre des gens pour intimider. Il n'y a pas de politique là-bas. Sache notre tradition burundaise. Les morts ne sont pas morts. Ils restent parmi nous et nous les respectons. Selon l'administrateur de la commune Gihanga, interdire l'accès à cette zone est une mesure qui a été prise pour limiter la propagation des images des décombres sur les réseaux sociaux. Pour lui, l'urgence est de pulvériser ces endroits et de canaliser ces eaux. Après les travaux d'aménagement de cette route, j'ose espérer qu'il n'y aura plus d'inondation parce que les buses qu'on prévoit mettre dans cette route sont vraiment suffisantes. Alors ces buses permettront d'évacuer des zones stagnantes. Donc je crois qu'il n'y aura plus des zones d'inondation. Quant à la réhabilitation des tombes détruites, l'administrateur de Gihanga Léopold Ndaïsaba nous a signifié qu'il s'agit d'un travail que sa commune va accomplir en collaboration avec les familles des corps reposés dans ces zones inondées après une réunion entre l'administration communale et les entreprises de pompes funèbres. Merci Placide. Les crises cycliques qui ont endeuillé le Burundi constituent une des difficultés liées à la gestion des mémoires. C'est ce que dit frère Emmanuel Nakarutimana, qui considère que la responsabilité du politique est incontournable. Pour lui, l'accord auquel les politiques burundais sont parvenus à Arusha en 2000 peut leur servir de source d'inspiration pour parvenir à construire une mémoire collective sur le passé du Burundi. C'était au cours d'un atelier organisé par l'organisation Initiative et Changement Burundi ce mercredi, en rapport avec la gestion des mémoires. Suivez plutôt Emmanuel Nakarutimana au micro d'Alain Désiré Ukeyeneza. On voit que le pays a connu des crises cycliques, répétitives, qui tiennent en fait non seulement à une mauvaise gestion de la situation au niveau de la justice, avec enracinement de l'impunité, de la culture de l'impunité dans le pays, mais aussi à cause de cette grave crise liée à la gestion des mémoires. Cela fait que le thème de la gestion des mémoires est un thème très important aujourd'hui. Et heureusement, à différents niveaux, on commence à s'en rendre compte avec perspicacité et permettre que les blessures du passé ne deviennent pas des réalités qui s'ouvrent de façon cyclique et nous replongent dans la souffrance et la douleur, mais deviennent des mémoires plutôt qui nous permettent de dire ce qui est arrivé est grave, inacceptable, et il ne serait pas supportable qu'il y ait des gens qui nous replongent dans le même type de drame, dans le même type de violence massive. Est-ce que l'on peut arriver à des mémoires collectives? C'est un travail qui n'est pas simple, mais qui doit se faire. C'est finalement une action typiquement politique, fondamentalement politique, qui permet de canaliser ce qui sera retenu comme histoire collective, comme histoire publique. Et si les négociations à Arusha et dans le travail qui a suivi ont demandé qu'il y ait la réécriture de l'histoire du pays au niveau national, qui soit consensuelle. Mais ça demande beaucoup parce que ça demande d'abord qu'il y ait une démocratisation des mémoires. D'abord dans des espaces sécurisés où les gens peuvent s'exprimer sans peur d'être poursuivis, mais en se sachant accepter dans le milieu où l'on est en train de faire des témoignages. Cela devrait induire aussi le déverrouillage de l'espace public, de l'espace politique, pour que les gens dans l'espace public commencent à partager les douleurs qu'ils ont connues et que tout cela contribue à développer des politiques de réconciliation, des politiques de restauration de la dignité de toute personne humaine, y compris la dignité des victimes et la dignité des disparus. Frère Emmanuel Nakarutimana, mettre en avant les intérêts du Burundi au niveau du Parlement panafricain, c'est entre autres la requête que le président de l'Assemblée nationale a adressée ce mercredi au président de cette institution panafricaine en quête de deuxième mandat. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le porte-parole de l'Assemblée nationale burundaise au sortir d'une audience entre les deux personnalités. Alexis Badian Dayimbazé ajoute que le président de l'Assemblée nationale a promis que la question du soutien du Burundi à la candidature de Roger Nkodo Dang sera étudiée. Alexis Badian Dayimbazé est au micro de Joseph Nsabiyabandi. Très honorable président de l'Assemblée nationale lui a informé que s'il y a ce soutien, qu'il faut aussi songer de faire inclure le Burundi au niveau des fonctionnaires de ce Parlement, mais aussi que le Cameroun ou le Parlement panafricain puisse être comme un ambassadeur du Burundi à l'étranger, comme de l'Union européenne et ailleurs. L'une des missions du Parlement panafricain, c'est de renforcer la démocratie dans les pays membres. Est-ce que le président du Parlement panafricain ne serait pas venu avec un message particulier sur les élections du référendum prévu le 17 mai prochain? Non. Au cours de la discussion, cette question n'a pas été discutée comme le président du Parlement panafricain avait bien sûr son objectif, et un seul objectif, de venir demander le soutien du Burundi à sa candidature dans les élections prochaines. Et la rédaction de la radio Isanganiro vous fait part de quelques-unes des missions de ce Parlement panafricain. Entre autres, c'est la collaboration avec les parlements des États membres de l'Union africaine, la promotion de la paix, la sécurité et la stabilité. Alida Ndaikeza. Le Parlement panafricain a été inauguré en session en mars 2004 par les pays membres de l'Union africaine. Le Parlement panafricain a des objectifs comme faciliter la mise en œuvre effective des politiques et objectifs de l'Union africaine, mais également promouvoir les principes des droits de l'homme, la démocratie en Afrique, la paix, la sécurité et la stabilité. Pour ce qui est de la bonne gouvernance, ce Parlement encourage la transparence et l'obligation de rendre compte dans les États membres. En ce qui concerne le développement en Afrique, cette institution vise la coopération et l'intégration des peuples dans les politiques de l'Union africaine, sans oublier de renforcer la solidarité continentale parmi les peuples africains. Selon les textes qui régissent cette institution, elle est un organe consultatif qui ne peut que faire des recommandations ou donner son avis à l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Chaque pays a 5 membres au sein de son parlement et les parlementaires panafricains sont élus ou désignés par leurs parlements nationaux et ont un mandat lié à la durée de leur mandat de membre de leur parlement. Le siège du parlement panafricain se trouve en Afrique du Sud. La radio de l'avenir. Le ministère de la Justice appelle les juges et magistrats des tribunaux de grande instance des 5 provinces du Burundi, à savoir Cibitoke, Bubanza, Karuzi, Cankuzo et Ruyigi, à mettre en exécution les jugements rendus, surtout ceux liés aux litiges fonciers. Cet appel a été lancé ce mardi par le directeur général de la Justice lors de la clôture d'un atelier de formation de 2 jours à l'endroit de ces juges et magistrats. Un atelier qui s'est tenu au chef-lieu de la province de Cibitoke. Il leur est demandé de mettre en exécution ces jugements en une période de 5 mois, suivi plutôt venant Nakimadzi. Le mobile de cette rencontre, c'est la planification des activités qui seront réalisées pendant 5 mois dans 5 provinces. Pourquoi ces campagnes? C'est-à-dire que dans la politique sectorielle du ministère de la Justice 2016-2020, il est prévu que dans son axe 2 de cette politique, il y ait une justice pour tous. La raison d'être de ces ateliers alors, ou la raison d'être de cette campagne, c'est pour que tous les dossiers en état, tous les dossiers qui doivent être exécutés, tous les dossiers qui doivent faire objet de constat ou de vérification, que ces dossiers soient vidés dans les plus brefs délais. Les jugements sont rendus. La preuve en est qu'il n'y a pas beaucoup de plaintes sur ce sujet. Le problème qui subsiste, c'est le problème d'exécution. C'est pourquoi il est prévu cette campagne, parce que nous avons un appui d'ailleurs de notre partenaire habituel, c'est le PNUD, qui a consenti des moyens, surtout les moyens de déplacement, mais aussi les moyens de subsistance pour ceux qui vont faire ce travail. Donc, il n'y a pas beaucoup de plaintes à ce sujet. Les jugements sont rendus. Le problème d'exécution qui subsistait est en train de trouver solution. Venan Hakimazi, c'est le directeur général de la justice. Plus de 200 enfants en situation de rue ont été retirés des différentes zones de la mairie de Bujumbura depuis jeudi dernier. Aujourd'hui, le travail de les ramener dans leur province d'origine occupe 3 ministères qui ont dernièrement signé une ordonnance conjointe de retrait de ces enfants de la rue. Francine Ndiokougayo a suivi cette activité au centre de Djabé qui se charge d'encadrer et de réinsérer les enfants soleil. Son reportage. Nous sommes au centre d'encadrement et de réinsertion des enfants soleil au quartier Djabé de la zone urbaine de Gwiza. Ils sont plus de 200, ces enfants qui ont été regroupés là-bas après leur retrait dans les rues de la capitale Bujumbura depuis la nuit de jeudi dernier. Des véhicules de transport étaient dépêchés sur les lieux l'avant-midi de ce mercredi pour les ramener chez eux. Mais ils ne sont pas sûrs d'y rester, nous ont-ils révélé. Je resterai à la maison comme tant d'autres. C'est une longue histoire, mais je ne le supporterai pas car j'ai abandonné l'école à cause du manque de matériel scolaire. Ce n'est pas facile. Je n'ai pas même 2 familles. Ma mère n'est pas là et mon père est mort. Je n'ai nulle part où aller. Même si on m'amène à la campagne, je vais retourner en ville aujourd'hui ou demain. À la campagne, ils ne m'aident en rien. On a demandé qu'on nous mette à l'école, mais rien n'a été fait. Même si je peux retourner à la maison, c'est la même chose. On va encore m'attraper. Si on me laisse ici ou pas, c'est la même chose. Plutôt, il faut qu'on m'insère dans une école de formation professionnelle pour que je puisse rentrer pour du bon. Les ministères de l'Intérieur, de la Solidarité et de la Sécurité s'occupent de cette activité. Les véhicules qui assuraient le transport de ces enfants devaient être accompagnés par des encadreurs et de la police jusqu'à destination. Francine Ndeokougayo et 10 enfants de la rue et 14 mendiants sont déjà retirés des différents centres de la province de Bouvanza et remis dans leur famille. Ce mardi, ces deux enfants qui vivaient au centre de Moussegni, en commune Manda, qui ont été conduits chez eux à Moussigati au niveau de la police et du centre de développement communautaire et familial. On explique que le travail continue et qu'il y a même 7 enfants attrapés en ville de Bujumbura et qui sont attendus à Bouvanza. Et les nouveaux étudiants de l'Université du Burundi, récemment admis au campus Kiriri, disent avoir suspendu les activités depuis une semaine. Ils se plaignent qu'ils ne peuvent pas trouver les 50 000 francs qui leur ont été exigés pour le loyer, le logement, alors qu'ils n'ont pas encore reçu la prébourse. Certains étudiants de l'Université du Burundi demandent que ce problème soit résolu afin qu'ils regagnent les auditoires. Elie Nibel, Nibigira. Ayuburaro, Nakudufungulira. Il s'agit de nouveaux étudiants qui viennent de passer à peu près 3 semaines à l'Université de Burundi au campus Kiriri. Ils affirment qu'ils sont exigés de payer 50 000 francs pour le logement. Certains d'entre eux s'interrogent pourquoi ils pourraient payer cette somme alors qu'ils n'ont pas encore reçu la prébourse qui leur avait été promise. Ils nous avaient dit que la question relative à la prébourse allait être analysée ensemble après être arrivés au campus. Mais le lendemain, après être arrivés à l'université, ils nous ont révélé que le gouvernement n'a pas encore mis la prébourse sur le compte de l'Université du Burundi. Ils nous ont également dit que nous devons payer mensuellement 50 000 pour continuer à vivre dans le campus en attendant que la prébourse soit disponible. De plus, ils regrettent que la plupart de leurs camarades ont déjà rebroussé le chemin pour rester chez eux, car, poursuivent-ils, les conditions de vie ne leur ont pas permis de rester au campus ou dans les auditoires. Ils demandent que la prébourse soit octroyée afin que eux aussi soient dans les auditoires comme les autres. Nous, ce que nous demandons, nous sommes venus sans s'y préparer car ils nous l'ont dit le jour du début de cours. Nous demandons qu'ils pensent à nous car nous sommes préoccupés, car nous avons arrêté les cours, qu'ils examinent notre cas pour qu'on reprenne les cours. Si on avait les moyens, nous serions dans les auditoires comme les autres étudiants. Vraiment, qu'ils trouvent la solution à notre problème et qu'on retourne étudier comme les autres. Ces étudiants avaient débuté leur année académique le 9 avril de l'année en cours. Elie Nibel, Nibigira, sachez que la rédaction Isanganiro n'a pas encore pu recueillir la réaction du rectorat de l'Université du Burundi à ce sujet. Et puis, ce sont les équipes nationales tanzaniennes et somaliennes qui se sont qualifiées en finale de la CECAFA des moins de 17 ans qui se déroule dans notre pays. La Tanzanie a battu le Kenya 2-1 sur la pelouse du stade Umucho de Muyinga dans l'après-midi de ce mercredi, tandis que la Somalie a éliminé l'Ouganda au stade Ingoma de Gitega sur le score d'un 1-0. La finale opposera dimanche prochain la Tanzanie et la Somalie. Le Kenya et l'Ouganda se disputeront samedi la 3e place. Et pour terminer, Reporters sans frontières vient de sortir le classement annuel des pays en matière de respect de la liberté de la presse. Le Burundi a fait un pas en avant d'une place par rapport à l'année 2017. Il était classé à la 160e place. Sur le continent africain, le Burundi est classé devant l'Égypte et la Libye et dans la région de l'Afrique de l'Est, il traîne la queue derrière le Rwanda, classé à la 156e position. Charles Makoto. Sur ce classement, des pays ont conservé leur position à la première et la dernière place. Sur les 180 pays concernés, il s'agit de la Norvège qui occupe la première position et la Corée du Nord à la dernière place. Le Burundi, qui était à la 160e position, a marqué une légère avancée par rapport à l'exercice 2017 et classé à la 159e position. Sur le continent africain, le Ghana vient devant d'autres pays et est classé à la 23e position. Il est suivi par la Namibie qui occupe la 26e place. L'Afrique du Sud vient à la 28e position, suivi du Cap-Vert à la 29e place. Après avoir perdu des places au moment où l'Afrique du Sud a avancé de 3 places, de même que le Ghana. Au sein de la communauté de l'Afrique de l'Est, la Tanzanie, qui est classée à la 93e position, occupe la première place, suivi du Kenya qui vient à la 96e position. L'Ouganda est 3e à la 117e position après avoir perdu 5 places et le Soudan du Sud devient en 4e position à la 144e place et une avancée d'une place toujours par rapport à l'exercice 2017. 57, le Rwanda et le Burundi qui sont respectivement classés à la 156e et 159e place traînent la queue dans la région de l'Afrique de l'Est et sont placés devant l'Égypte qui est à la 161e position et la Libye à la 172e place. Charles Makoto, c'est sur ce reportage que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Jean de Dionda Isenga pour la mise en onde. Au micro Jean Bosco Ndouimana, passez une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.